Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, cap sur le cinéma Les Studios à Tours, où la science-fiction est à l'honneur avec le retour du festival Les Mycéliades. Un événement qui invite le jeune public, mais pas que, les moins jeunes sont également conviés, à plonger dans des univers fantastiques à travers des projections, des rencontres et des animations. Pour nous en parler, Lilian s'est rendue au cinéma Les Studios rencontrer Manon Lory. Manon est responsable jeune public et co-responsable des publics 15-25 ans. Ensemble, ils reviennent sur le programme de cette édition, les films à ne pas manquer et les invités qui feront le déplacement. On écoute. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radioactive, donc je suis au cinéma Les Studios de Tours Centre en compagnie de Manon Lory, qui est responsable jeune public et co-responsable des publics de 15-25 ans au studio. Bonjour Manon. Bonjour. Vous souhaitiez nous présenter un festival qui s'appelle Les Mycéliades. Il aura lieu du 1er au 16 février. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce beau projet ? Alors oui, Les Mycéliades, c'est un festival qui a lieu partout en France, dans plus de 70 villes de France. C'est un projet qui a eu lieu, qui a commencé il y a 3 ans et qui est coordonné à l'échelle nationale par Images en Bibliothèque et l'ADRC, l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma. Et du coup, nous, c'est la troisième année consécutive qu'on le fait ici au studio et que je le coordonne en binôme avec la médiathèque de Jouy-les-Tours. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce binôme ? Oui, en fait, le but à la base de ce festival, c'est de mettre en lien les médiathèques ou bibliothèques et les salles de cinéma pour faire un projet commun. Et moi, il y a 3 ans, j'ai commencé avec Pierrick, qui travaille à la médiathèque de Jouy-les-Tours. Et en fait, on imagine une programmation qui se complète. C'est-à-dire que moi, les films que je vais choisir ici, il va essayer de voir, lui, en médiathèque, quelle animation il peut mettre en place au sein de son établissement, pour quel public, quel moyen. Quelle œuvre littéraire il peut le mettre en avant en fonction des films que je programme. On réfléchit tout ça ensemble, on se fait une com un peu commune, et puis par exemple, il va intervenir sur un des films. En parlant de films, c'est quoi les films qui vont être présentés lors de ce festival ? Alors, on peut en programmer autant qu'on veut durant le festival. Moi, j'en ai choisi 4. J'ai choisi Akira de Katsuhiro Otomo, donc le Akira original, on va dire. Terminator 2, le jugement dernier, puisque j'avais passé le 1 il y a un an, donc c'était un peu la suite logique. Titan de Julia Ducournau et Matrix, un grand classique. Tous les films étrangers sont en version originale sous-titrée français, comme habituellement au studio. Et en fait, c'est l'occasion de revoir vraiment des grands classiques de la SF sur grand écran. Surtout que cette année, la sous-thématique du festival, c'est les robots et les intelligences artificielles. Donc on est carrément dans le thème. Est-ce qu'il y aura des invités au cours de ce festival ? Alors oui, donc nous ça commence ce samedi 1er février à 17h avec Akira. Notre premier invité, bah, c'est Pierrick de la médiathèque de Jouy-les-Tours qui viendra présenter le film en salle et ça lui permettra en fait de dire un petit peu tout ce qui va se passer de son côté en médiathèque, côté médiathèque et ce que lui a programmé pour les Mycéliades. Ensuite on aura à 19h30 Terminator 2 qui sera présenté par Alexis Roux. Alexis Roux, il est journaliste cinéma, il participe à un podcast qui s'appelle Réaliser son trucage et il est vraiment bien à fond sur Terminator 2, donc il pourra répondre à la suite du film à toutes les questions des spectateurs. Le samedi 8 février, je vais présenter moi-même le film Titan, mais je serai accompagnée de Sand CCT. C'est une artiste photographe tourangelle qui, du coup, va venir exposer du 1er au 16 février. Vous pouvez retrouver dans le grand hall des studios des photographies qu'elle a faites dans le cadre de son projet à elle, mais aussi inspirées de Titan, de l'esthétique de Titan, et les photos seront en vente du 1er au 16 février, donc vous pourrez la contacter et acheter ses photographies si vous le désirez. Donc elle viendra le 8 février à 17h parler de son exposition en même temps que moi je parlerai de Titan. Et ensuite on finit donc avec Matrix à 19h30 le 8 février. Et là, à la fin de la séance, c'est Judith Beauvallet. C'est une youtubeuse qui a une chaîne qui s'appelle Demoiselles d'horreur. Et à la fin de la séance, elle va échanger avec le public. Elle est spécialiste de la question de la place des femmes et du féminisme, des personnages féminins dans le cinéma de science-fiction. C'est quoi les tarifs pour accéder aux Mycéliades ? Alors les tarifs sont les tarifs habituels des cinémas studios pour chaque séance. Vous pouvez réserver vos places à l'avance d'ailleurs depuis le site www.studiociné.com ou directement à l'accueil des studios. Sinon, les tarifs varient, qu'on soit abonné ou non, mais je pense par exemple au public 18-26 ans. S'ils sont abonnés au studio, c'est 4,10€ la place. Sinon, c'est 7,20€ par exemple. Et bah, merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Merci à vous et puis bah, venez nombreuses et nombreux à ce festival. Et c'est Raphaël qui est présent avec nous aujourd'hui qui va conclure ce mag. Les Mycéliades, c'est donc une belle occasion de redécouvrir la science-fiction sous toutes ses formes, de partager des moments forts en salle et d'échanger avec des passionnés. Un festival qui promet de faire voyager petits et grands à travers l'imaginaire du cinéma. Merci à Manon Laurie pour cette présentation et rendez-vous au studio pour embarquer dans l'aventure. Merci pour cette conclusion, Raphaël. C'est la fin de ce mag. On se retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.